franceinter.fr. Radioscopie. Radioscopie. Michel Rocard. Jacques Chancel. Michel Rocard, on va d'abord faire les présentations. On va essayer de savoir qui vous êtes vraiment. On le sait d'ailleurs. Alors, inspecteur des finances, homme politique, bien évidemment, ancien de l'École nationale d'administration. Vous avez en fait la même formation que la plupart de ceux qui, aujourd'hui, sont au pouvoir. Alors, si la gauche passait, les ministères, en bonne logique, appartiendraient une fois encore à la même famille de technocrates. Car vous êtes, que vous le vouliez ou non, un technocrate avant d'être un homme politique. J'ai été nommé inspecteur des finances en 1958, c'est-à-dire à peu près 10 ans après mon premier engagement politique. Qu'est-ce qui peut vous faire penser que mon métier ait exercé pour moi une influence plus grande que 27 ans maintenant de militantisme organisé au service du socialisme? C'est pour moi beaucoup plus important. La technique professionnelle que je peux avoir en matière économique sont au service d'un corps d'idées. Mais vous avez quand même changé au cours de toutes ces années. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit, que vous le vouliez ou non, encore une fois, on vous dit l'héritier, le dauphin de François Mitterrand, vous avez vos propres perspectives, vous savez bien que les communistes ne vous aiment pas, donc vous êtes inquiétant, en avez-vous conscience? Je ne voudrais pas dire de méchanceté, mais enfin, on dit un peu n'importe quoi. Héritier dauphin, moi je ne peux que souhaiter longue vie à François Mitterrand, dans la mesure où son travail, qui a été celui de rassembleur et de fédérateur du mouvement socialiste, lui-même ne le considère pas comme achevé à juste titre. Pour le reste, ce que nous faisons au Parti Socialiste, ce que je peux faire pour ma part en apportant ma pierre, ne plaise pas partout, c'est pas nouveau, ça c'est pas nouveau, et s'il y a bien un point sur lequel rien n'a changé, c'est bien celui-là. Je pris quelques années peut-être, je n'ai renoncé en rien à ma fermeté de conviction sur le fait que ce qui manque à la France, c'est un peu plus de démocratie, notamment sur les lieux où on travaille, où on produit. Ça s'appelle autogestion. Alors justement, vous avez employé le mot autogestion. On en parle pour la dernière fois, parce que moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'homme Michel Rocard, qui est devenu sans doute un autre personnage au fil des années et au fil des combats. Bon, vous êtes fils de professeur, on le sait, votre père aurait été heureux que vous puissiez devenir un homme de science. Vous avez rompu avec le pacte familial, je crois que vous avez rompu d'ailleurs avec beaucoup de pactes, et je me demande même si vous êtes encore bourgeois. Merci de vous poser la question. J'ai choisi en effet une alliance, un combat qui est celui du monde des humbles. On disait autrefois de la classe ouvrière, mais tout le monde s'y perd parce que ça fait référence uniquement aux gens qui sont en blouse bleue et les mains dans le cambouis, alors que ça vient du mot ouvrage, œuvrer, et que c'est au fond tous ceux qui travaillent et non pas ceux qui dominent et qui commandent. C'est bien l'alliance que représente le socialisme et au service de laquelle je suis. Rompu, puisque vous parliez de mon père, je ne dirais pas les choses comme ça. C'est sûr qu'il avait souhaité faire de moi un scientifique. Il était lui-même un physicien. Il était lui-même un physicien de talent. Je n'avais pas de talent en physique. Je ne suis pas sûr d'avoir rompu dans la mesure où ce que j'entreprends, j'essaye de le faire pas trop mal et où, pour ma part et de mon côté, sur des voies qui n'étaient pas celles qu'il avait prévues, je ne crois pas déshonorer son nom par de la médiocrité. Enfin, tout homme qui veut faire passer ses idées est obligé à un certain moment de sa vie d'écrire. Vous avez écrit, comme beaucoup d'autres. Alors en 69, par exemple, c'est un ouvrage qui a pour titre « Le PSU et l'avenir socialiste de la France ». Tout cela pour marquer qu'à un certain moment, vous avez été au Parti Socialiste Unifié. En 1973, on en trouvera, parmi beaucoup d'autres, un député pour quoi faire. Alors on pourrait s'interroger sur votre socialisme, et on pourrait se demander aussi si les députés ont une vocation nouvelle. La fonction de député a été inventée au siècle dernier, et la première grande tâche des parlements, ça a été d'instaurer les libertés. Faut pas oublier que le monde entier, pendant des siècles, n'a connu que les totalitarismes comme forme d'organisation. C'était élémentaire parce qu'il n'y avait pas de technique derrière, on n'avait pas l'ordinateur au service de la police. Mais enfin, les rois, les empereurs, tout ça, Non, mais du totalitarisme. Aujourd'hui encore, il y a des États comme celui-là. C'est ce que j'allais dire. La démocratie, c'est fragile, c'est récent, ça ne concerne qu'une petite zone de la planète. Et le Parlement, la fonction de député, a été adaptée à ça, à sa création. Aujourd'hui, dans nos pays, les problèmes clés sont des problèmes d'inégalité. Et d'abord économique et financière. Inégalité de revenus, inégalité devant la sécurité de l'emploi, etc. Et le métier de député est déphasé par rapport à ça. Je l'ai vécu, j'ai essayé d'en rendre compte dans cette petite plaquette, en développant aussi le côté intervention locale, car un député, c'est aussi d'abord un représentant. Mais je ne crois pas qu'il y ait une innovation là, et les députés sont les instruments de ratification et de préparation du travail législatif d'une volonté commune qui doit s'exercer à travers le gouvernement et le Parlement conjointement, si le suffrage universel l'a voulu comme ça. Mais ça n'est pas un métier vraiment créateur, hélas. Le socialisme est plus que jamais, il est à l'ordre du jour. Il y a une vraie crise, et puis aucun de nos pays n'arrive plus à assurer le plein emploi, ni à assurer la stabilité de la monnaie. C'est plus possible d'avoir une société où vivre de son travail soit finalement un droit restreint, limité à une élite de gens très qualifiés seulement, et où tous les autres soient en incertitude là-devant. C'est plus possible. La réponse, qui consiste en une meilleure organisation de la société, en un rôle plus reconnu à l'État comme régulateur central, cette réponse-là, qui est non-socialiste, le socialisme, et qui doit s'accompagner de plus de démocratie à la base, pour que ce soit à la fois mieux accepté et en même temps mieux vécu, plus réel, cette réponse-là s'impose de plus en plus. Moi, j'ai pas changé d'idée. Pardonnez-moi le mot, mais êtes-vous venu au Parti Socialiste par arrivisme? C'est, j'emploie le mot arrivisme pour ne pas employer le mot ambition que l'on emploie toujours. Écoutez, je vous remercie de me poser la question car elle est franche et loyale, et j'ai pas envie d'y répondre, car j'en laisse chacun juge. Le PSU a été fondé en 1958 sur le refus de la division de la gauche, de la politique algérienne de Guy Mollet, et de l'acceptation par le même Guy Mollet d'une constitution dont nous craignions qu'elle ne donne trop de place à un pouvoir personnel. En 1971, au congrès d'Épinay, je n'y étais pas, une nouvelle majorité s'esquisse, François Mitterrand devient le premier secrétaire du Parti Socialiste, on répudie le passé colonialiste, on commence l'autocritique, on renoue des liens avec les pays que nous avions fort maltraités, et on choisit une ligne du nom de la gauche. Mieux que cela, on choisit un projet, et il porte, on avait dit qu'on en parlait qu'une fois, le nom de socialisme autogestionnaire. À ce moment-là, un immense espoir naît dans le pays, des gens se rassemblent et viennent. J'ai fait délibérer toute l'organisation du PSU, que notre tâche historique était terminée, que le lieu stratégique où se prenaient en charge ces espérances était devenu le Parti Socialiste et qu'il convenait de le rejoindre. Je ressens aujourd'hui le Parti Socialiste et toute son influence, enfin comme porteuse de l'espoir des Français. Mais je vais ajouter un dernier mot, car votre question de tout à l'heure, je ne l'ai pas oubliée. Même formation, avez-vous dit, c'est pas un hasard. Les affaires de l'État sont devenues difficiles. Il y aurait irresponsabilité à vouloir transformer la France sans savoir que la gestion du franc dans une crise monétaire, sans savoir que la gestion de l'industrie aéronautique, sans savoir que la gestion de l'ex-ORTF et des sociétés de radio, tout ça c'est compliqué, et qu'il y a sur la gestion des affaires publiques un impératif de connaissance que l'on peut mettre au service d'une cause ou d'une autre. Où l'on peut même, et ça c'est la technocratie, décider que sa propre connaissance vous suffit comme objectif, comme finalité, et décider tout seul en niant la démocratie. Ça c'est ce que je rejette. Ça s'appelle la technocratie et c'est un danger public. Mais l'idée qu'on puisse se passer d'hommes qui connaissent un peu comment marche la mécanique, ça c'est pas possible. Seuls sont capables d'avoir une responsabilité les plus de 45 ans. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes entré dans le combat politique, vous étiez véritablement trop jeune. Et vous avez choisi le PSU pour cela, pour ensuite faire le bond vers quelque chose de plus important. Non. Le PSU, c'est pas moi qui l'ai choisi. Moi, j'étais en effet tout jeune à l'époque. Des hommes l'ont créé, qui étaient plus anciens que moi, en faisant une scission de la SFIO pour manifester un désaccord et l'espoir de créer un autre véhicule de formation d'hommes et de pratique de l'espérance socialiste. C'est aussi une affaire d'apprentissage, et c'était rappeler pourquoi ce n'est pas une disqualification par rapport aux fonctions politiques que d'être passé par une de ces écoles où la machine de l'État s'apprend et se décortique, à condition d'y rester intellectuellement libre et d'y rester assez fort pour être capable de choisir sa cause. Ma cause est celle de ce qu'on appelle le mouvement ouvrier dans le langage général, c'est-à-dire du peuple au travail en France. Ma cause n'est pas celle des technocrates, mais je suis bien content d'avoir appris un peu de leur science. Mais l'intellectuel que vous êtes, est-il véritablement très proche des ouvriers? Les ouvriers vous comprennent-ils? On se comprend très bien. Car en fait, il y a une escroquerie intellectuelle sur l'économie. Des détails sont compliqués. Il faut des gens calés en mathématiques pour faire de la statistique. Mais ce sont les détails. L'économie, c'est d'abord des choses très simples. Ça consiste à répondre à des questions du type « qui paye ?»« Où va l'argent ?»« D'où ça vient ?»« À qui ça profite ?» Et les réponses sont aussi simples que les questions, une fois qu'on est allé chercher le détail nécessaire. Pour le détail nécessaire, on a des spécialistes. J'accuse beaucoup de mes collègues économistes d'abuser le monde avec un langage, j'allais dire inutilement compliqué, parfois avec un langage destiné à faire que personne n'y comprenne rien. Alors là, vous êtes tout à fait d'accord avec Georges Marchais, que je recevais récemment, qui me disait justement, tous les hommes politiques emploient un langage que les Français ne connaissent plus. On parle souvent de choses compliquées, on emploie les grands mots comme économie. En revanche, les Français n'ont qu'un mot, les sous. Et bien sûr, ce point, Marchais a raison. Mais vous savez, je suis d'accord avec Marchais sur beaucoup de choses, il ne faudrait pas oublier, il reste quelques points de désaccord. Ou d'ailleurs, ce qui est très curieux, c'est que ces points de désaccord, à mes yeux, étaient des points de désaccord marginaux de technique financière qui n'auraient jamais mérité le lustre de la controverse politique, car ils n'engagent pas le pouvoir du monde du travail, mais la manière dont juridiquement on l'habille. C'était du détail. Ça ne leur plaît pas. Mais le facteur d'union en France, c'est l'opinion, c'est la pression des électeurs. Et moi, j'augure mal de l'avenir de celui des deux partis qui briserait la volonté d'union qui monte de partout. On pourrait penser, Michel Rocard, et c'est une rumeur très répandue, c'est une réflexion que l'on fait souvent, que vous seriez plus proche de la majorité actuelle que du Parti communiste existant. Je suis militant socialiste depuis 26 ans. J'ai fait longtemps le choix d'une petite structure parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de protéger l'authenticité, l'identité de nos idées, de tenir le drapeau, si vous voulez. Quand ça canonne de partout et que c'est la déroute, le porte-drapeau, c'est le dernier. Le PSU, ça a été ça pendant un temps difficile. Maintenant, ça n'est plus nécessaire. Nous sommes au contraire la force montante. Il est vrai qu'à cette force montante, ce que j'ai pu être personnellement apporte deux éléments. L'un, c'est le souci constant de ne dire, de ne promettre que le tenable, que le faisable, et ça me classerait à droite. L'autre, c'est le rappel constant qu'on ne plaisante pas avec la volonté de démocratie plus vraie, briser ces filières hiérarchiques trop étroites, casser le système de strates sociales en France fermé, mais aussi ne pas oublier que d'abord, le projet socialiste, c'est la démocratie sur les lieux de la production, dans l'entreprise. Et là, je suis à gauche de mon parti. Alors, il y a un temps pour tout, mais vous allez voir. Avant 6 mois, je vais me retrouver à l'extrême-gauche du Parti Socialiste, parce que je serai de ceux qui diront qu'il ne faut pas oublier ça. Pour le moment, en effet, je suis plutôt de ceux qui disent « Attention, les promesses, il faut les tenir. Ne promettons pas n'importe quoi. » Je m'arrange très bien de ce destin, figurez-vous. Michel Rocard, l'homme politique est conduit à se montrer comédien. C'est presque sa vertu en ces temps d'élection. Alors, il vous arrive de vous regarder et de faire une réflexion, de tenter de faire le point sur vous-même. Vous avez l'impression d'avoir changé depuis le commencement de votre combat politique. Et cette fois-ci, c'est l'homme qui est en cause. J'ai envie de vous répondre quelque chose qu'on pourra trouver trucidant, qui est de vous répondre non. Oh, c'est terrible, vous n'avez pas évolué. Vous me permettez 2 anecdotes. L'une, elle ne m'est pas due. Un journaliste de l'Expansion a fait récemment un papier sur mon compte. Il a travaillé comme une brute. Remarquable, remarquable portrait. Je n'ai pas de jugement un peu. Oui, il avait bien travaillé. Disons qu'il y avait ce qu'il fallait de jugement de distance. Ouais. C'était un homme libre. Sans complaisance. Il m'a fait l'honneur d'aller rechercher des textes de 1967, sous ma signature, et de les comparer avec ce que j'écris maintenant. Et presque mot pour mot, sur des problèmes centraux, comme la conception de la planification que peuvent avoir des socialistes, ou comme l'articulation du plan et du marché. Il avait choisi ça parce que c'est l'objet central de la controverse avec le PC maintenant. Je n'en savais rien moi-même. La lecture de cette publication a été ma surprise. Je n'avais pas changé du tout. Et je vais vous dire l'autre. Alors celle-là, elle m'est tout à fait personnelle. Je venais ici vous trouver, Jacques Chancel. Nous avions conversé, ça fait 4 ans et demi ou presque 5 ans. J'ai réécouté ce matin notre ancienne bande. Il ne faut jamais faire ça. Eh bien, je suis content. Je peux tenir le même langage. Exactement le même. Je n'ai pas... Pratiquement. Vous pouvez faire le test. Alors, vous parliez des petites phrases, Michel Rocard. Vous avez dit, quand on est révolutionnaire, c'est pour faire la révolution. Vous avez ajouté, le réformisme est une illusion et un leurre. Alors, ce sont des choses que vous pouvez redire aujourd'hui ? Absolument. Mais n'oubliez pas la suite. Donc, c'est la révolution que vous voulez faire. N'oubliez pas la suite de la phrase, je ne sais pas d'où elle sort et où elle vient. Quand je dis ça, il y a toujours la suite. Que révolution veut dire changement et ne veut pas dire sang et violence. L'Angleterre a fait la plus grande des révolutions bourgeoises en gardant son roi et sa constitution. La révolution française de 1789 est allée moins loin sur le plan du droit, de la propriété foncière, qui était l'affaire de l'école, moins loin, avec un tas de fracas. Bon, c'est clair, tout est aussi dans la manière, je ne suis pas un violent. Mais la France a besoin aujourd'hui, précisément pour briser les castes, briser les hiérarchies. Rien ne changera, vous me le disiez, vous me le demandiez. Bon, je vous réponds oui. On va essayer tous ces changements, mais dans un pays tellement attaché à ses traditions démocratiques, mais aussi à son niveau de vie, qui est un des bons de la planète. Eh bien, notre obligation, c'est compliqué. Il faut faire ce changement sans mettre en cause le fonctionnement de la machine, sans prendre le risque de réduire le pouvoir d'achat, ni la démocratie, ni les libertés. C'est plus difficile. Vous êtes orateur, cela ne fait aucun doute. Je dois dire même que vous êtes moins tribun que professeur. Vous avez une volonté très particulière. Vous êtes un pédagogue. Vous avez besoin de faire comprendre. Même parfois, d'être comme un missionnaire. Vous voulez porter votre foi, l'offrir et nous convaincre. Alors, c'est merveilleux. Vous êtes sûr d'avoir raison. Oui, je suis sûr d'avoir raison sur quelque chose, c'est-à-dire sur la force de l'espérance. Je n'oserais pas dire que je suis sûr d'avoir raison sur tous les détails d'application de la dite espérance, sur les points précis dans lesquels il faut la traduire. Oui, pédagogue, pour moi, la démocratie, elle permet l'usurpation. Si on cherche l'enthousiasme et non pas la conviction. Chercher à persuader et à convaincre, c'est l'honneur des politiques. Si nous ne rallions que de la mythologie, alors d'abord il peut se passer après n'importe quoi, c'est la porte ouverte au totalitarisme en plus. Enfin, vous pensez que vous avez été inventé pour être un personnage politique, c'est-à-dire le vieux rêve de votre père, qui était celui que vous puissiez devenir un jour un scientifique comme lui, était seulement un rêve. Vous saviez ce que vous vouliez, vous. Oui. Vous n'avez jamais regretté d'avoir la position que vous occupez aujourd'hui. Alors moins que jamais, parce que maintenant, avant même cette grande échéance d'un mois, j'ai la chance, à travers une mairie, de pouvoir me confronter à la réalité. L'autogestion, pour moi, ça veut dire, les jeunes de Conflans, on leur prête la salle des fêtes un samedi après-midi, ils y font ce qu'ils veulent, ça vient de se produire. 300 jeunes qui, jusque-là, n'avaient de contact avec personne, n'étaient pas organisés, et s'étaient même écartés de la Maison des Jeunes et de la Culture par souci d'être autonomes. Mais on le fait ailleurs. Et on a vu de beaux petits orchestres de jazz, on le fait ailleurs en mettant beaucoup de contrôle dessus. Vraiment, donner leur chance complète à des jeunes, c'est rare. Voilà une expérience. Il y en aura d'autres. Je suis en train de mettre sur pied le contrat de gestion d'un nouvel établissement pour personnes âgées où je voudrais que les personnes âgées ne soient pas seulement des assistées, mais contribuent à la gestion. Et là aussi, on va s'expérimenter, on va s'expliquer avec la réalité. Mais au milieu de tout ça, il faut équilibrer les finances, il faut que les projets tournent, il faut limiter au strict minimum la montée des impôts, ce que nous avons fait. Tout ça est absolument passionnant, et effectivement, je suis arrivé à cette phase où l'homme politique est réalisateur, est créateur. Et en fait, c'était ça ce que j'attendais, ce que je souhaitais. Mais êtes-vous d'accord avec tout ce que l'on dit de vous, parce que vous occupez une place? Comme on dit tout et le contraire de tout. Oui, mais quand même, vous pouvez vous constater ou contredire ou démentir. On dit que vous êtes percutant, bon d'accord, ça c'est vrai. On dit que vous êtes mordant, c'est encore vrai. On dit que vous êtes féroce et que vous cognez dur et que c'est une volonté bien délibérée. C'est-à-dire, oui, on dit aussi l'amour de cogner. Non. La preuve en est, ce débat avec M. Fourcade que j'avais l'autre soir, je me fais au contraire très critiquer pour n'avoir pas bien assez élevé, cogné. Ouais. Ouais. Vous devez le regretter d'avoir été non, bien élevé. Non, ma maman m'a donné une bonne éducation. Non, pas du tout. Je n'ai jamais eu l'occasion de regretter sur le plan politique le fait de rester toujours courtois et convenablement éduqué. C'est la moindre des choses. C'est aussi un critère de démocratie. Je ne crois pas à la démocratie pratiquée par des brutes et je ne me ressens pas comme une brute. Mais il est vrai que le combat politique est dur et qu'il faut savoir en épouser la dureté. Vous rappelez à chaque instant dans cette émission que je suis inspecteur des finances, mais je vous dirai aussi... Oh, je l'ai dit une fois au commencement. Non, non, mais je ne vous en veux pas. Mais laissez-moi ajouter un complément vous de formation. Vous n'avez pas honte? Non, j'ai pas honte, j'équilibre. Non. Un complément de formation, j'ai été 2 ans tourneur-fraiseur à mi-temps. Et il là, j'ai que je l'ai dit des 3 fois, inspecteur des finances. J'y ai appris, pour une bonne part, la dureté de la condition ouvrière. J'ai fait aussi un stage, 15 jours seulement, c'était peu, mais les postes de nuit comme régleur sur cuve d'aluminium, j'aime mieux vous dire que quand on connaît ça, même pour brève durée, de l'intérieur, qu'on voit ce que c'est que la petite guerre autour des compteurs qui en fait est la petite guerre des conditions de travail, d'une relative tranquillité au travail, on sait la dureté de la vie sociale. Et on sait que le projet socialiste ne peut pas être lénifiant. Alors, qu'à l'occasion, on le rappelle avec fermeté. Cogneur est un mot que je n'aime pas parce que c'est pas mon tempérament. Mais que nous soyons contraints à une fermeté nécessaire pour qu'on n'oublie pas qu'il s'agit d'un choix différent, que cette espérance rencontrera des obstacles et qu'elle devra en effet liquider, nettoyer ces obstacles, enfin les surmonter d'une manière ou d'une autre, ça c'est un rappel nécessaire. Vous êtes toujours compatible avec la courtoisie. Vous êtes aussi intransigeant, ce qui est une qualité, mais l'intransigeance parfois va sur d'autres lisières, et cette autre lisière c'est l'intolérance. Moi je trouve tout ça très bizarre, je ne me crois pas si intransigeant que cela. Disons si vous voulez que je n'aime pas les situations dans lesquelles un projet, une espérance s'enlise, s'englue dans de mauvais compromis. Il y a intransigeance peut-être à rappeler l'objectif et à dire tout de même nous pourrions faire plus. Je ne crois pas être le moins du monde intransigeant dans la mise en pratique de tout cela. Je prendrai un autre exemple. J'ai été associé, mais alors profondément, de très très près, pendant un an et demi, à une bataille qui n'est plus la mienne maintenant pour des raisons d'itinéraire, mais que je suis toujours avec intérêt, qui est celle des LIP. Dans cette bataille, il nous fallait être un peu cogneur, naturellement. C'était une grève des travailleurs pour l'emploi, une grève très dure, que tout le monde a voulu saboter. Le premier ministre de l'époque, M. Mesmer, disait « LIP, c'est fini !» Il a répété 3 fois, il n'y a rien pu. Et en même temps, il a bien fallu passer compromis. Si nous avions été intransigeants, on n'aurait jamais pu assurer le minimum de relance, qui, sans avoir été efficace du premier coup, a au moins sauvé l'outil, au point que maintenant se met en place une coopérative ouvrière grâce au fait qu'on a sauvé l'outil. Il fallait les deux. Je ne crois pas être intransigeant. Je ne comprends pas pourquoi on dit ça. On parle beaucoup de vous, Michel Rocard, parce qu'on vous accorde un grand avenir. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Et alors, forcément, vous êtes une cible. Et de plus en plus, normal, et vous le serez de plus en plus. Alors c'est vrai, je le disais tout à l'heure, les communistes vous détestent, les socialistes vous ont longtemps, et reconnaissez-le, vous ont longtemps dédaigné. Et au Parti Socialiste, la surprise, sans aucun doute, un jour viendra de vous. Vous attendez votre heure, du moins on le dit, je ne sais pas si vous allez le confirmer, cette heure n'est pas venue, et je serais tenté de dire, mais je peux me tromper aussi, j'ai l'impression que vous êtes de passage dans ce parti. Ah, grand Dieu, non. J'ai adhéré à la SFIO en 1949, j'avais 19 ans, c'est ma maison. Je suis un socialiste de toujours. La plupart de mes amis du mouvement étudiant de cette époque sont qui ministres, qui secrétaires de parti dans l'ensemble des partis de l'international, le norvégien, le suédois, l'autrichien, moins l'allemand parce que j'y avais contracté moins d'amitié, à hasard. Non, je suis chez moi, bien à l'aise et tranquille. Ce qui est vrai, c'est que les choses sont difficiles, les évolutions sont lentes. Et de toute façon, je ne peux pas ne pas relever que votre questionnement m'interroge en tant qu'individu comme si j'étais isolé. Or, tout ce combat est collectif. Ce qu'on porte, on le fait à beaucoup. Tout homme politique est isolé. Tout leader est isolé. On raconte ça. C'est pas mon expérience. La solitude du coureur de fond, vous connaissez? Je connais, mais quel est le problème en France? Nous allons à des élections pagailles en battant tous les records de candidatures. Une évidente crise du système politique. Une majorité qui sait même plus se mettre d'accord pour défendre les intérêts existants, alors qu'il lui suffit de cette défense, qu'elle n'a pas besoin, elle, de projet, puisqu'elle gère. Une opposition face, complètement divisée. Une opposition divisée, mais divisée pourquoi ? Divisée parce que le socialisme a vécu, depuis sa naissance, l'idée centrale que son espoir passait par un renforcement de l'appareil de l'État et une mise de l'appareil de l'État au service d'une autre cause. Et puis on voit ce que ça donne en Union soviétique, et on voit que tout ce renforcement aboutit au goulag des impossibilités. Ce qui émerge maintenant, c'est un projet dans lequel l'organisation même de la liberté, jusque dans le détail local, des commissions extra-municipales, l'expérience des jeunes de Conflans dont je parlais tout à l'heure, et dans les ateliers, des conseils d'ateliers, etc. Bref, des débuts d'autogestion, des débuts de prise de responsabilité collective par les gens. Ce projet-là, il brise l'administration préfectorale, il brise les habitudes centralisatrices de la France. Alors, il met du temps à passer. Mais ce projet-là, c'est aussi une espérance que portent avec eux, par exemple, les gens qui, bretons, catalans, basques, corses, nous parlent des identités régionales broyées. C'est aussi le combat féministe ou féminin. Je ne suis pas du tout féministe, mais je crois qu'il y a un vrai problème et qu'il est maltraité. C'est le combat pour la défense des travailleurs immigrés. C'est tous ces combats-là qui se joignent petit à petit. Et une force socialiste authentique est celle qui en est porteuse. Alors, dans cette affaire, mon destin est profondément engagé, mais sur une base collective. Si mon heure doit venir, ce sera le moment où culturellement, intellectuellement, suffisamment de gens en France auront intégré tout ça pour que ça devienne possible presque du premier coup. Nous sommes dans une phase de transition. Un projet socialiste aussi cru, c'est le nôtre, il est voté. Le Parti Socialiste a voté à l'unanimité les 15 thèses sur l'autogestion qui sont la description de ce projet. Mais il est vrai que la transition, la constitution de notre pays, un suffrage universel qui hésite encore, le respect du fait que si nous gagnons, ce ne sera qu'à 52% et qu'on gère pour 100%, il faut donc le temps. Et ce temps, nous le prenons ensemble. Et puis, nos élus, une tradition socialiste. Prendre mieux son temps, mieux calculer ses efforts. Si j'ai changé sur un point, c'est sur celui-là. Mais c'est sans oublier la suite. Et moi, je ne dissocie pas mon destin personnel de cette aventure-là. Michel Rocard, vous avez parlé des 52% dans le cas où vous passeriez. Mais ces 52% peuvent se répartir de cette manière. 30% pour les socialistes, 22%, mettons, pour les communistes. Vous ne pensez pas que communistes, socialistes, c'est un mariage contre nature ? On croit l'entendre lorsqu'on interroge et les uns et les autres. Si vous ne vous entendez pas maintenant, vous pensez que vous pourrez vous entendre plus tard ? Oui, je le pense. C'est une réflexion personnelle. Je ne voudrais pas d'une réflexion électorale. Non, mais j'essaye de rester en effet. Ça coïncide pas mal, vous savez, je suis pas mal à l'aise où je suis. Il ne faut pas m'en vouloir. Mais la réflexion personnelle qui coïncide bien avec la réflexion collective, peu importe, elle est la suivante. Qu'est-ce qui arrive à nos camarades communistes ? Ils ont, avec loyauté, avec continuité, avec courage, défendu 40 ans des 57 ans de vie de leur père, 50 ans même, un projet qui était celui de faire en France une société analogue à l'Union soviétique. Et de leur propre aveu à eux, ça ne marche plus. Et ils sont un peu sans projet. La phase actuelle est une phase de crispation pour défendre leur identité et ce qui reste de ce à quoi ils croyaient ensemble, bien que ça ne marche plus. D'ailleurs, l'électorat commence à s'en rendre compte. Nous croyons-nous que le projet dont le Parti Socialiste est porteur n'est pas un projet qui se limite au Parti Socialiste, mais qu'il a la vertu de pouvoir réconcilier toute la gauche. Et je le crois, moi, profondément. Souvent, en meeting, je lui donne un nom différent, sur lequel nous sommes tous d'accord, qui est le beau nom de socialisme à visage humain. Mais ce nom de baptême nous vient d'un communiste. Il ne faut pas oublier que dans toute la réflexion, précisément sur l'autogestion, nos camarades communistes, yougoslaves, nous ont beaucoup aidés, et parce qu'ils ont réussi et parce qu'ils ont raté. Il ne faut pas recopier. Mais je dirais aussi que les travaux du congrès communiste clandestin tchécoslovaque, du parti tchécoslovaque, en août 1968, sont tout à fait fondamentaux pour cette recherche d'un socialisme vraiment décentralisé, où la démocratie soit une pratique quotidienne jusque sur les lieux de travail. C'est ça le critère central. Alors, par rapport à cela, nous sommes dans la phase de crispation, où au fond, nos camarades communistes sont presque inquiets de se diluer là-dedans, alors que le projet a vocation à être fédérateur et que nous sommes prêts à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul parti de la gauche. Mais attendez, oui. Encore un mot. Si nous gagnons, c'est la volonté du monde du travail qui nous portera. À chaque vote, si nous gagnons, vous l'avez dit vous-même, la probabilité que le Parti Socialiste soit parlementairement plus gros que le Parti Communiste. Donc nous serons dominants dans les amendements, la constitution, des propositions de loi. Et à chaque vote, nos camarades communistes auront à se demander s'ils préfèrent ouvrir une crise, voire revenir la droite au pouvoir, ou servir les intérêts du monde du travail dans une conception à la marge différente de la leur, à chaque vote. C'est difficile, mais ça peut se faire. Alors Michel Rocard, avez-vous le sentiment, vous personnellement, que les communistes veulent aller au pouvoir ? J'ai le sentiment qu'ils hésitent là-dessus. Et qu'ils sont partagés. Voilà mon sentiment. C'est-à-dire, si vous disiez votre pensée tout à fait sincère, vous diriez non, ils n'ont pas envie d'aller au pouvoir. Je le dirais de quelques-uns et pas de tous. Michel Rocard, vous avez sacrifié à la politique une bonne partie de vos chances familiales et peut-être même de votre tranquillité. Mes chances familiales, non. Je suis un père de famille et un mari heureux, merci. Quand même. Quand même, c'est dur. Cela en valait la peine ? Là, de nouveau, faudrait le demander à ma femme. Je crois que oui. Disons, si vous voulez, qu'il y a un sacrifice sur le temps consacré à la vie de famille, mais il y a d'autre part un enrichissement. Nous ne connaissons pas en famille la monotonie. Nos contacts familiaux sont enrichissants de tout un monde. Et quelques-uns de mes meilleurs amis du moment ne sont pas des inspecteurs des finances, mais des syndicalistes ouvriers, que mes enfants aiment bien, qu'ils connaissent. Et certainement, l'activité que j'ai apporte, j'espère, à ma famille une dimension qu'elle n'aurait pas sans cela. Mais c'est vrai que la vie politique est mangeuse de temps. Vous avez combien d'enfants ? Quatre. L'aîné, à quel âge ? 21 ans, 20 ans, 7 ans, 5 ans. Alors, l'aîné est-il socialiste ? De cœur, oui, de militantisme, l'aînée d'une fille. De militantisme, probablement, non. Elle a été une lycéenne, fort active. Maintenant, elle a quelques problèmes de fin de scolarité. Elle serait plutôt à droite? Travaille. Non, non, oh non, non, pas du tout. Non, elle n'est pas militante, simplement. Michel Rocard, vous êtes un héritier. Je ne dirais pas que vous êtes un inspecteur des finances, parce qu'autrement, ce serait la quatrième fois que je le dirais. Fils de physicien, je le rappelle. Et votre père a eu sa place. Votre père, les travaux de votre père ont trouvé une application immédiate dans la force de frappe. Et vous êtes sans aucun doute pour la force de frappe. Mais on peut penser que vous avez trahi votre milieu. Jusque j'ai y compris sur la force de frappe, d'ailleurs. Je ne suis pas pour la force de frappe. Nous venons d'avoir une convention sur la défense au Parti Socialiste, et je m'honore d'avoir pris une part très importante à la rédaction du texte. J'ai beaucoup poussé, justement, à ce que l'accent soit mis sur une politique de désarmement négocié. Tout cela est trop affreux. Simplement, nous avons tenu compte d'une réalité, qui est que depuis une dizaine d'années, les forces non nucléaires, les forces conventionnelles de la France, se sont affaiblies, rapetissées. On a fait tout le sacrifice financier sur la force nucléaire. Si bien que, en puissance de feu, comme on dit, c'est le jargon de ce métier-là, en puissance de feu, l'armée française est moitié moins puissante que l'armée allemande. À peine l'équivalent soit de l'armée suisse, soit même de l'armée yougoslave. Si nous renoncions comme ça, unilatéralement au nucléaire, la France serait un pays ouvert, non défendu. Or, la France est un pays beaucoup trop important, c'est tout de même la 6e ou 7e puissance industrielle du monde. Donc favorable au nucléaire. Favorable au maintien d'une défense qui doit être mise en question dans une politique volontaire et soutenue de désarmement internationalement négocié, cette politique de défense n'ayant pour le moment comme outil dominant que le nucléaire, mais à terme devant évoluer vers une défense nationale populaire dont les caractéristiques ne peuvent pas être à la manière suisse, bien sûr, notre géographie n'est pas la même, mais tout de même plus axée sur la capacité de répondre à tout défi de manière proportionnée, et non pas avec une foudre dont nous ne nous servirons jamais. Parce que quels sont les problèmes militaires de la France? C'est la défense de la sécurité de ses communications, c'est la protection de ses côtes, c'est aussi la défense contre des éventuels sabotages ou des choses de ce genre. On ne fait pas donner la foudre nucléaire pour ça, il faut avoir d'autres outils, nous les avons presque plus, à peine. Un amiral qui commandait en chef la marine française, il y a 5 ou 6 ans, a démissionné devant cette politique. Nous disons qu'il y a besoin de retour à un système de défense mieux proportionné, dans lequel le nucléaire joue au moins une moins grande place. Oui, vous dites quand même que vous êtes d'une certaine manière pour le nucléaire, et de ce côté-là, vous vous privez Je ne peux pas vous laisser dire ça. À nos amis écologistes, je rappelle simplement que... Vous dites nos amis écologistes, quand même. Quand j'ai été élu maire de Conflans-Sainte-Honorine, mon tout premier contrat a été sur les économies de chauffage. Je viens de conduire 2 opérations de ramassage du verre, et nous allons maintenant en faire un principe régulier, puisque ça se fera tous les mois. Dans la plupart des domaines, les questions que posent les écologistes, mais j'ajoute tout de suite « dont je suis » sont des vraies questions. J'ai dit « dont je suis » sans impertinence, puisque je me souviens encore d'un long article que j'ai fait en 1966, sur la croissance, dont je reste rétrospectivement très fier. Toutes ces questions, j'ai été parmi les premiers à les poser en France. Simplement, j'ai avec les organisations écologistes, et non pas les hommes ou les femmes de tempérament écologique, parce que là j'en suis, une question. C'est que les organisations écologistes ont comme méthode de travail de prendre les problèmes un par un, et puis de proposer des solutions absolues, et fanatiquement imposées sans discussion, sur un problème limité, sans voir le poids. Pour prendre le nucléaire civil, qui est le plus typique en ce moment, il est vrai qu'il y a des dangers, personne ne le nie, mais il y en a au moins autant avec le pétrole, y compris le danger politique de se lier à l'impérialisme du dollar, et par conséquent de perdre la possibilité de changer par ailleurs nos modes de croissance pour économiser de l'énergie et pour avoir un développement plus qualitatif. Mais pour ça, il ne faut pas dépendre du système monétaire mondial, donc se dégager du pétrole. Cette contradiction-là, les organisations écologistes ne l'assument pas. Elles refusent d'en discuter, c'est pas leur problème. Alors ça, c'est pas sérieux. Moi, je suis un écologiste sérieux, c'est-à-dire que je prends en charge tout le champ. Et je fais des choix de priorité. Il n'y a rien de parfait. On n'est pas en blanc et noir, jamais. Mais faut-il revenir aux chevaux, aux carrosses, aux charrettes? C'est ce que je ne crois pas possible, justement. Et c'est là qu'il y a quelques excès écologistes. Michel Rocard, vous avez, on le dit, l'allure d'un huguenot. Vous en avez d'abord les origines, puis vous en avez le tempérament, on le sait bien. La moitié des membres du Parti Socialiste sont catholiques. Alors votre foi, votre croyance, elle est seulement dans le parti socialiste ou elle est dans quelqu'un tout à fait différent? Je ne suis plus véritablement croyant, même s'il est vrai que j'ai été très marqué par l'éducation protestante que j'ai eue. En France, une éducation protestante, ce n'est pas vrai partout, il y a le lourd problème de l'Afrique du Sud. En France, une éducation protestante, c'est une éducation d'abord marquée par la tolérance et l'ouverture. D'une minorité qui a rejeté tout repli sectaire. Ce sont des protestants qui ont fait les grandes lois laïques en France et ils les voulaient de tolérance. Ils les voulaient de tolérance, ils ne voulaient pas de sectarisme. Et je crois qu'elles l'étaient d'ailleurs dans leur interprétation de l'époque. Et moi je suis très heureux au contraire que le Parti Socialiste d'aujourd'hui contribue à réconcilier à peu près par moitié les deux grands blocs qui ont toujours divisé la gauche sur ce plan entre les athées militants et les catholiques. La gauche en a été paralysée pendant des siècles, pendant le dernier siècle. Maintenant, nous sommes sortis de cette paralysie, et c'est une chose heureuse que de voir le Parti Socialiste accueillir moitié-moitié. Enfin. Mais vous êtes heureux d'être un huguenot? Ah, tout à fait. D'être un huguenot, je ne le suis plus guère, enfin... On dit un tempérament, une rigueur... Un tempérament, enfin, l'Église réformée de France ne peut plus guère se reconnaître en moi, je ne suis plus croyant ni pratiquant. Quelle fidélité avez-vous à l'égard de l'avenir? Eh bien, celle précisément de consacrer à sa construction l'essentiel de mon temps, au risque que nous évoquions tout à l'heure. Celle aussi d'intégrer peut-être dans la réflexion politique une part d'avenir un peu plus grande que trop de gens. Je suis très frappé, il y a quelque chose qui me gêne même. Nous sommes dans les 8 jours où nous parlons là. Il y a un risque pour la France dans ces 8 jours-là, c'est que la campagne dégénère vers de la pure politique politicienne. C'est déjà fait. Et où il reste quelques porteurs d'avenir, disons que ça s'affaiblit. Et nous avons le risque d'une campagne combinarde et politicienne. Et alors ça, il y a de quoi me faire taire, moi. C'est affreux, c'est insupportable. L'avenir est difficile. Toutes nos industries sont concurrencées par des pays qui payent leurs salariés moins cher, mais qui commencent à maîtriser nos techniques. La montée du tiers-monde, la concurrence même des jeunes industries des pays de l'Est, maintenant. Tout cela compte. Le pétrole ne peut que renchérir, car il va redevenir rare dans quelques années. Bref, des dangers, il y en a partout. Nous n'arriverons plus jamais à avoir un système monétaire à peu près équilibré et fiable. Il y a des dangers de protectionnisme. Qui dit protectionnisme dit nationalisme, dit violence. Ça a conduit à la guerre. Bref, l'avenir n'est pas facile. Devant tout cela, la France a besoin qu'un vaste projet y trouve assez d'écho pour qu'on puisse gouverner avec l'approbation latente de 70% de l'opinion. C'est ça dont ce pays aurait besoin. Et on se partage sur des... broutilles ou même des appétits seulement, ce qui n'est pas très noble, cela est sinistre. Je crois être de ceux qui rappellent toujours qu'il y a un avenir à préparer, même s'il n'est pas facile, mais précisément pour l'aborder, il y faut d'autant plus de force dans la description du projet. Michel Rocard, vous êtes homme politique, vous obéissez à des clichés, comme tous les hommes politiques, que je dirais bien mieux comme tous les hommes connus, et vous avez déjà une légende, et je me suis beaucoup amusé à regarder justement l'article que vous consacre à l'expansion, qui est un dossier très très complet, et il y a une petite phrase d'explication au commencement qui est très belle. Fils de la bourgeoisie protestante, Michel Rocard fréquenta l'école alsacienne, et c'est Louis Armand qui lui a appris à jouer au ping-pong. Déjà, la légende est installée. On croirait déjà parler d'un personnage qui a existé il y a un siècle, 2 siècles. Vous avez ce sentiment d'être déjà figé, quelque part, comme un personnage du passé? Pour du tout. D'abord parce que, pour être exact, tout ça est incomplet, il faut rétablir le symétrique. Je ne vais pas recommencer à vous parler de mes stages ouvriers. Deuxièmement, s'il y avait un homme qui était bien moderne et interrogatif de l'avenir et ouvert, parce que l'avenir, c'est plutôt le monde du travail qu'il porte, c'est bien Louis Armand. Louis Armand avait en 1960 annoncé que le pétrole deviendrait cher parce que les pays pauvres avaient besoin de le vendre à leur prix. Voilà une sérieuse interrogation sur l'avenir. Je suis content qu'on ait cité Louis Armand. Mais moi aussi. Pourquoi diable voyez-vous du passé dans cette référence? Non, je vous le demande. Oui. Ah, moi je n'en vois aucun. Je peux reparler au présent et dire ce que l'on ajoute à votre endroit. Révolutionnaire raisonnable. C'est vrai que vous avez été révolutionnaire, que vous l'êtes un peu moins, mais peut-être êtes-vous devenu raisonnable. Je crois pas l'être devenu moins. Bon. Énarque. Mais ça reste à démontrer, c'est d'accord. Énarque en rupture de bourgeoisie. Ça, c'est vrai. Éternel militant. C'est vrai aussi. Jusqu'à quel âge? Vous prendrez la retraite? On ne peut pas le demander à un homme qui a 47 ans. Ah oui, merci, effectivement, de ne pas pousser jusqu'à... Ça m'étonnerait. Hein? Visant les sommets. Les sommets... Je ne serai pas un ministre impuissant qui croit suffisamment en lui-même pour faire des choses tout seul et qui pense possible de les faire sans avoir l'appui des forces sociales qu'il représente. Dans des combinaisons de ce genre, je n'entrerai pas. Alors on verra, les sommets, ce sera l'accompagnement d'une vague et d'un mouvement historique, ou bien ce ne sera pas pour moi. Si vous êtes au pouvoir, quel ministère souhaitez-vous ? Écoutez, je ne dirai pas n'importe lequel, parce que ils sont inégalement intéressants, etc., mais je voudrais tout de même dire ceci. Puisque nous évoquons les rumeurs qui courent à mon sujet, tout le monde m'enferme dans la chose économique et financière, or elle est d'abord politique. Et il est de moins en moins sûr que les problèmes dominants se limitent à cela. Maintenant s'ouvre vraiment le champ des affaires internationales. La France est en Europe, nous n'avons plus la possibilité de gérer nos affaires sur notre propre base tout seul, c'est terminé. On fera plus de la construction aéronautique en France, nous tout seuls. On n'arrivera même plus à créer les relations qu'il faut entre travailleurs et direction de l'industrie, autrement que sur une base européenne. Voilà un champ fantastique. D'autre part, il est clair aussi que nous arrivons au moment où l'économique, les exigences de l'économie ne sont plus supportées par l'opinion publique, par le monde du travail, si elles sont incompatibles avec des exigences sociales pesant plus lourdes. Les ministères sociaux deviennent de grands ministères. Pourquoi pas ? Donc vous souhaiteriez avoir le ministère de l'économie et des finances, enfin, le ministère social, mais en cela, vous serez opposé à Georges Marchais qui le souhaite aussi. Il me l'a dit, et en public. Eh bien, écoutez, c'est François Mitterrand qui tranchera. Tout ce que je peux dire, c'est que je crois nécessaire que le front central des débuts de l'arrivée de la gauche au pouvoir, qui va être financier, soit directement entre les mains du patron de l'expérience. C'est le fond décisif et on ne divise pas le commandement. Je ne suis pas du tout sûr que mon affectation aux finances est ce qu'on peut faire de mieux. Vous parlez comme si vous étiez au pouvoir. Alors admettons... Non, c'est vous qui posez la question. Non, d'accord, mais enfin, disons que vous répondez comme si vous étiez au pouvoir, puisque je vous ai demandé de répondre comme si vous y étiez. Mais admettons que vous n'y soyez pas, que le 19 mars soit l'échec. À ce moment-là, et vous le savez bien, pour vous tout est grave, car vous devenez un briseur d'espérance. François Mitterrand aussi. On vous le dit, en tout cas. Enfin, moi, je l'ai lu partout. Mais si la gauche... Les gens de chez vous le disent. Une espérance sera brisée. Et les gens de la majorité le disent aussi. Une espérance sera brisée, mais enfin, c'est le suffrage universel qui n'aura pas voulu la prendre. En quoi serons-nous briseurs d'espérance de ce fait ? Non, mais aurez-vous, vous, l'impression, c'est votre impression qui compte. Vous, l'impression... Nous aurons l'impression d'avoir simplement... manqué votre but, votre cible. Cette fois-ci, vous savez, je suis un vieil habitué du combat à long terme. Je n'ai pas été un homme pressé, moi, dans la vie politique. J'aurais dû employer le mot à long terme. Nous reprendrons cette bataille. Je vous disais tout à l'heure... l'essentiel, c'est surtout la compréhension par l'opinion du contenu précis et concret d'un projet. Or, nous sommes dans la phase intermédiaire. Cette nouvelle forme du socialisme, désétatisée, décentralisée, anti-bureaucratique, c'est ça qui est fondamental, démocratique jusque sur les lieux de production et jusque dans les quartiers, cette nouvelle forme du socialisme, au fond, ça fait 4 ou 5 ans qu'elle s'esquisse en France. C'est tout jeune pour un projet de cette ampleur, pour une refonte de toute la société, c'est tout jeune. Je souhaite ne pas perdre un instant. Je souhaite que nous gagnions profondément. J'y mets tout mon effort. Si l'effort n'aboutissait pas du premier coup, il ne faudrait que repartir plus fort et plus vite tout de suite. Mais tout retard serait inacceptable. Moi, je me bats pour la victoire cette fois-ci et je n'admets pas ceux qui peuvent la mettre en doute et s'en accommoder facilement. Michel Rocard, gommons tout de suite tout esprit de modestie que vous pourriez avoir. Je m'en tiens à une réflexion qui a été faite par un membre éminent du CRS, qui est quand même la partie très extrême du Parti Socialiste. Et ce membre très éminent, cette personnalité, a dit « Michel Rocard sera un jour président de la République ». Et vous seriez peut-être tenté d'y croire. J'en sais rien. Si ça doit être le cas, c'est pas pour tout de suite. Nous avons, je vous en remercie, un excellent candidat qui tient la pleine forme physique et intellectuelle et on se le garde parce qu'on se l'aime bien et que sa capacité à mener campagne est forte. Et par conséquent, le point de savoir quel sera dans l'ensemble de la gauche française, dans les années qui sont incluses dans cette question, l'homme qui sera porteur du plus de confiance, qui aura la capacité de la gérer, qui sera en plus en bonne santé, dont l'équilibre personnel sera en bonne harmonie avec le reste, qui peut savoir qui ce sera. Mais pour ce qui vous concerne, ce n'est pas une réflexion stupide. Pour une réflexion stupide, c'est une réflexion très largement prématurée. Michel Rocard, il y a une phrase qui est de vous, celle-là. Alors vous pouvez la revendiquer, l'expliciter. Je ne démissionne que quand tout est perdu. Alors si le 19 mars tout est perdu, allez-vous démissionner ? Vous le disiez dans le sens le plus large du mot, oui, attention. J'entends bien. Le 19 mars, j'espère beaucoup que la gauche gagnera. Et encore une fois, j'y mets tout mon effort. Si d'aventure elle est battue, ça ne voudra pas dire que tout sera perdu pour le Parti Socialiste et pour son espoir. Nous ne l'interpréterons que comme un temps de retard. Il n'est pas question de démissionner de quoi que ce soit. Non, non, je ne suis pas un homme de démission. Les hommes ne sont pas de toute éternité. François Mitterrand peut un jour ne plus être l'homme qu'il est par rapport au parti qu'il dirige. Il y a ce que nous sommes contenus d'appeler les dauphins, il y a Pierre Mauroy, il y a Michel Rocard. Alors je ne sais plus comment je dois faire établir, vous savez, comme aux Jeux Olympiques, un, François Mitterrand, deux, trois, c'est Mauroy, Rocard. J'en sais rien. Moi non plus. C'est pas encore très intéressant. Mais ça peut le devenir. Qui sait? C'est important pour vous ce qui va se passer sur un plan personnel? Échec ou victoire? Sur un plan collectif, c'est très important. Non, sur un plan personnel. Sur un plan collectif, on sait. Écoutez, sur un plan personnel, je vais peut-être on ne parle vous, que je vais de cela, vous surprendre. J'aime ce que je fais. Je crois être honorablement capable d'exécuter les missions que le Parti Socialiste me donnera. J'espère, je pense être un maire honorable. Je suis fier et content de mes premiers 11 mois de gestion. Nous avons beaucoup réalisé, beaucoup, vite. La vie politique est brutale, dure, sauvage. C'est vrai qu'elle est dure. Et j'en ai assez vu pour être capable de savoir qu'on peut aussi trouver sa joie à faire autre chose. Chaque homme a un destin momentané. Vous savez, il n'y a pas de grands hommes dans l'histoire parce que l'histoire, il y a des moments où elle est porteuse de pas grand-chose. Puis il y a des occasions. Et dans ces occasions, certains hommes plient, ne les remplissent pas, d'autres répondent. Et ça fait les grands hommes. Mais vous avez des quantités de Napoléon Bonaparte, de Clémenceau ou de Charlemagne perdus en route et qui n'ont pas eu d'histoire de chance. Quand on a 26 ans de vie militante très dure, derrière soi, qu'on en a pris des coups partout, etc., on est blindé et on sait ça. Et quand on est resté un peu modeste de tempérament et d'approche personnelle des choses, on s'y fait très bien. Michel Rocard, on le sait, vous êtes discipliné, mais vous pouvez désobéir. Ça viendra à quel moment ? Vous avez le marc de café dans vos instruments de travail habituels, vous, moi pas. Merci Michel Rocard.